géant rompait. J'en ai décousu mon soulier, dansant ma bergère au guet. J'ai dit trouver le cordonnier à l'ombre. Dansant ma bergère, j'en ai manqué le plancher à rompre. Dansant ma bergère, j'en ai manqué le plancher à rompre. Beau cordonnier, dansant ma bergère au guet. Veux-tu raccommoder mon soulier à l'ombre? Dansant ma bergère, j'en ai manqué le plancher à rompre. Dansant ma bergère, j'en ai manqué le plancher à rompre. Veux-tu raccommoder mon soulier? Dansant ma bergère au guet. Je te donnerai un sou marqué à l'ombre. Dansant ma bergère, j'en ai manqué. J'en ai assez, dansant ma bergère au guet. Pour dans un mois nous marier à l'ombre. Dansant ma bergère, j'en ai manqué le plancher à rompre. Dansant ma bergère, j'en ai manqué le plancher à rompre. Pour dans un mois nous marier, dansant ma bergère au guet. Mais ni un mois n'est pas assez à l'ombre. Dansant ma bergère, j'en ai manqué le plancher à rompre. Dansant ma bergère, j'en ai manqué le plancher à rompre. N'est ni un mois n'est pas assez. Dansant ma bergère au guet. Faut m'attendre encore une année à l'ombre. Dansant ma bergère, j'en ai manqué le plancher à rompre. Dansant ma bergère, j'en ai manqué. J'en ai manqué le plancher en rond.